C'est l'Alaska. Personne ne part jamais vraiment d'ici. Amazon vous livre la saison 4 de True Detective Night Country. Mon boulot, c'est de protéger tout le monde. Avec Jodie Foster et Cal Iris. J'ai déjà vu ça. True Detective Night Country est à découvrir sur le Pass Warner avec un abonnement supplémentaire en exclusivité sur Prime Video. Profitez d'un essai offert de 7 jours. France Inter. Dans le tumulte de la Révolution française. L'épisode 8 s'ouvre en août 1793, quand la reine, séparée de ses enfants, est enfermée à la conciergerie. Avant même le procès, son sort semble scellé. Printemps 1793, Marie-Antoinette, la veuve de Louis XVI, semble avoir été oubliée, enfermée avec ses enfants à la prison du Temple. Mais durant l'été, les événements se précipitent. Alors que la République est menacée, la terreur est mise à l'ordre du jour et les sans-culottes réclament des coupables. Celle qu'on appelle désormais la veuve Capet, incarnation de la monarchie et de l'ancien monde, fera un bouc émissaire idéal. C'est dans ce climat de peur et de haine que le 14 octobre 1793 va s'ouvrir le procès de celle qui fut la reine de France, malade, séparée de ses enfants, condamnée à mort avant même d'être jugée. Deux mondes vont s'affronter ici, irréconciliables. La monarchie contre la révolution, l'égalité contre la société d'ordre, des hommes aussi contre une femme. Mais lors de ce procès truqué où rien ne lui sera épargné, Marie-Antoinette, la même qui il n'y a pas si longtemps à Versailles incarnait la légèreté et l'insouciance, va jusqu'au bout forcer l'admiration même de ses juges et bourreaux par son courage et sa maîtrise politique. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Emmanuel de Varesquiel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française, de l'Empire et de la Restauration. Vous avez publié notamment en 2016 un livre magnifique, Juger la Reine, qui a obtenu le prix Combourg-Chateaubriand 2017, qui raconte les trois jours et les deux nuits du procès de Marie-Antoinette, qui la conduira à la guillotine le 16 octobre 1793. Un livre d'histoire, bien sûr, en même temps assez personnel, il me semble, passionnant, une réflexion acérée aussi sur ce dont les êtres humains sont capables dans des circonstances exceptionnelles, pour le meilleur et pour le pire. Alors Marie-Antoinette est un personnage qui n'en finit pas de passionner le public, on le voit tous les jours, mais qu'est-ce que ces dernières semaines à la conciergerie et son procès ont encore à nous dire aujourd'hui, Emmanuel de Varesquiel ? Elles nous disent tout, elles nous disent beaucoup de choses de la Révolution, du processus révolutionnaire, des débuts de la Terreur, et de cette confrontation extrêmement violente qui oppose deux mondes. Un monde qui est incarné par l'ex-reine de France, qui est le monde de l'Ancien Régime, d'une société d'ordre inégalitaire et une inégalité fondée sur le droit, et le monde de la Révolution, fondé sur le principe d'égalité. Vous le disiez aussi, certainement on en parlera, le monde des hommes et le monde des femmes. Et ce procès est nécessaire du point de vue de la Révolution parce qu'il s'inscrit dans un contexte très particulier, qui est le contexte extrêmement fragile d'une République jeune. Oui, elle a été proclamée... Qui a été proclamée à peine un an auparavant, le 20 septembre 1792, à la suite de la prise des Tuileries, et que cette République, pour la première fois, est dans une situation de très grande faiblesse, à la fois du point de vue extérieur et intérieur. Elle est aux prises avec une véritable guerre civile, et des insurrections qui éclatent un peu partout sur le territoire même de la République. Même, donc c'est en la Vendée, Vendée militaire dans l'Ouest. Dans le Midi aussi. C'est évidemment l'insurrection girondine et royaliste de Lyon contre le pouvoir central jacobin incarné par la Convention nationale et les comités à Paris. Et puis, elle est fragilisée par la guerre extérieure, c'est-à-dire qu'elle est en butte à une coalition des monarchies européennes qui, pour la première fois, la seconde en fait, enfonce le territoire de la République, traverse les frontières. Tout ça, ça se passe entre le printemps et l'été 1793. Et Marie-Antoinette, quelle est sa situation et donc, personnelle à chaque fois que la République a dû affronter des difficultés de ce genre, elle a essayé, d'un simple point de vue de sa légitimité, de trouver des justifications à ses fragilités. L'une de ces justifications, c'est le complot. Complot intérieur et trahison extérieure. Et si quelqu'un devait ou pouvait incarner cette double peine, le complot d'un côté, la trahison de l'autre, c'est tout simplement l'ex-reine de France que l'on a sous la main, puisqu'elle est détenue à la prison du Temple. Elle est une coupable, vous avez parlé de bouc émissaire, elle est une coupable idéale, et elle est celle qui va incarner le processus de vengeance, de revanche de la République sur ses ennemis. Il faut rappeler que son mari, donc Louis XVI, a été guillotiné le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette est au temple avec sa belle-sœur qu'on appelle Madame Élisabeth et ses deux enfants, le petit dauphin et sa fille qui deviendra la duchesse d'Angoulême par la suite, sa fille qui sera la seule rescapée de cet épisode extrêmement tragique de l'emprisonnement de la famille royale. Et donc quand elle part le 2 août 1793 pour la Conciergerie, elle est séparée déjà depuis un mois de son fils et elle est séparée également de sa fille. Oui, et c'est une séparation définitive. Elle va être enfermée à la Conciergerie à l'isolement total pendant 2 mois, avec au bout de cette détention le procès intenté par le tribunal révolutionnaire, qui est dans un certain sens le bras armé de la révolution et de la terreur qui commence, qui a été créé en mars de cette même année 1793, pour précisément juger les traîtres, les suspects et les coupables de contre-révolution. Emmanuel Varesquiel en poursuit cette discussion tout à l'heure dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Marie-Antoinette, le procès d'une reine, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Pascal Deux. Les enfants, que va-t-il leur arriver ? Marie-Thérèse, j'ai vu la terreur dans ses yeux quand ils m'ont emmenée. Et Louis, mon petit amour si fragile, qu'ont-il fait de lui ? Comment peut-on séparer des enfants de leur mère ? Ce pays, de toute façon, m'a toujours haï. Du jour où j'ai été sa reine, il m'a appelée l'Autrichienne. Et maintenant, un tribunal révolutionnaire. Des magistrats sans visage vont me juger. C'est brut, c'est sans culotte. Juger la reine. J'aurais conspiré contre la France. Je serais une criminelle. C'est étrange. Je devrais être terrorisée. Je ne sens rien. Seigneur, je ne puis rien dire sur l'état de mon âme. J'existe, voilà tout. Pour mes enfants. Seigneur, aidez-moi. Ce sera un combat contre les ténèbres. Paris, 2h du matin, le 2 août 1793. Marie-Antoinette, après avoir été séparée de sa fille, est transférée de la prison du Temple à celle de la Conciergerie. Entourée de gardes armés, la voiture passe devant le Châtelet, emprunte le pont Notre-Dame et enfin s'arrête devant la Conciergerie. En tenue de deuil, Marie-Antoinette, 38 ans, grande et blonde, descend du fiacre. Les gendarmes l'escortent jusqu'au guichet. Prisonnière pour vous. Bon sang, c'est quelle heure ? 2h30. Alors, prisonnière numéro 280, nom, prénom. Regardez-moi. Oh ben un peu que je vous reconnais. J'étais apprenti pâtissier à Versailles. L'Autrichienne. Oh. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'écrire comme nom ? Ah oui. Veuve Capet. Née à... Vienne, en Autriche. Accusé de haute trahison, si c'est pas malheureux. Je vais vous conduire en cellule. Allez, après vous, veuve Capet, là, le couloir. Thank you. C'est ici. Deux fenêtres sur la cour des femmes, vous êtes chanceuse. Rosalie ! Oh, mais ça dort comme un loir sur sa chaise. Elle vous attendait. Allons, on se réveille. Rosalie, native de Breteuil en Picardie. Pour vous servir, Majesté. Veuve Capet, faut l'appeler. On a mis des draps en bon état. Et j'ai trouvé ça, regardez. Une taie bordée de dentelle. Merci, ma fille. Gilbert ? Oui ? Madame va se mettre au lit. Mmh. Elle va se déshabiller. Je dois sortir. Bah oui, va dans le couloir quand même. Bougez pas, je vais vous aider. Merci, ma fille. Depuis que je n'ai plus personne, je le fais moi-même. Bien. Alors, je m'en vais dormir. Gilbert, tu fermes ? Tu fais la tête ? Tu sais quoi ? Ils vont tirer au sort ceux qui ont entre 25 et 35. J'en suis. Rosalie, si je pars à la guerre, les Autrichiens trucident les patriotes à tour de bras. T'inquiète pas, t'es encore là. Depuis plus d'un an, la France est en guerre contre le Saint-Empire germanique, dont l'empereur, Léopold II, est le frère de Marie-Antoinette. Au début du conflit, à Valmy, les Français ont été victorieux et la République a été proclamée. Mais depuis, les défaites s'enchaînent. À la Convention, un député demande « L'oubli des crimes de Marie-Antoinette n'est-il pas une marque de faiblesse qui encourage les ennemis de la France ?» Midi à la Sainte-Chapelle. Quelle chaleur. 26 jours que je suis ici sans aucune nouvelle de mes enfants. Chaque jour davantage, je sens la vie me quitter. Serais-je exilée avec mes enfants ? Oui, c'est ça. Nous serons bannis. Je rejoindrai ma famille en Autriche. Oh Seigneur, qu'il me juge, et vite. Ce sera le bout de nos peines. À moins que la haine ne l'emporte. Regardez ce que j'ai pour vous. Oh, des œillets bleus. Et votre repas ? Poulet et pommes rainettes. Merci, ma fille. Qu'est-ce qu'on dit de moi, Rosalie ? Je parle franc. On dit que vous êtes une enfant gâtée. Que des gros caprices. 500 pièces de lingerie à l'année et les travaux au Trianon qui n'en finissaient plus. Bref, on dit que vous avez vidé les caisses. Madame Déficit, qu'on vous appelle. Je ne comptais pas ma lingerie. Mais ce qui a épuisé le trésor, c'est la guerre d'indépendance américaine. Une révolution républicaine. Dites-leur. Et quoi d'autre ? Bah aussi que vous aimiez jouer. Le roi payait vos dettes avec nos impôts. Faut vous figurer qu'on se saigne, nous. Et les bijoux ? Ce collier de 2840 carats ? Jamais je n'ai voulu l'acheter, Rosalie. C'est une machination contre moi. Les escrocs ont été punis. Allez expliquer ça. Le plus terrible, c'est quand on a su les fortunes que vous donniez à la Polignac. 800 000 livres. Tout ça, ce sont des calomnies du duc d'Orléans. Il me déteste. Et pour la Polignac ? C'est vrai ? Nous devions faire la fortune des courtisans. Sinon... Madame, 800 000 livres. Vous savez qu'une femme du peuple fait le mois avec 50 livres ? Les reines avant moi l'ont fait. Et dans les cours d'Europe, jusqu'à Saint-Pétersbourg, toutes le font. Il y a des choses que le peuple subit et d'un coup, il peut plus les supporter. Rosalie, et notre partie de cartes ? Je viens, Gilbert. Si besoin, je suis là dans le couloir. Hey, j'ai un bon jeu, Rosalie. Je vais bien t'asticoter. Hein. Oh, carte, j'entends. Qui est cet homme dans la cour ? Ça, c'est ma carte. Il veut peut-être me tuer. Ses yeux bleus, ses cheveux blonds, mais on dirait... Oui, Alexandre de Rougeville, de la maison du comte de province. Il traverse la cour, vient à ma fenêtre. Il me fait signe d'approcher. Majesté ! Majesté ! Vous savez qui je suis ? Que faites-vous là ? Rassurez-vous, nous allons vous libérer. Que dites-vous ? Un faux ordre de transfert au temple va arriver. voiture stationnée tout près d'ici vous conduira en Autriche. Je ne peux rien faire, on me surveille. Monsieur, éloignez-vous de cette fenêtre où je tire. Je m'éloigne, citoyen. Bonjour chez vous. Il n'a pas jeté quelque chose dans la cellule? Non. Et cet œillet par terre? Un œillet? Oh, il a dû tomber du bouquet que Rosalie a mis sur la table. Je vais le remettre. Cette histoire d'œillet n'est pas claire. S'il est entré dans la cour, c'est que le lieutenant l'a autorisé. Je reviens. On a déposé des pêches de vigne pour vous. Rosalie, ne commets pas d'imprudence. Quoi? T'es un enragé ou quoi, Gilbert? Les cadeaux, c'est interdit. Les royalistes sont partout à comploter. Tu veux tout perdre de ce qu'on a fait? Que les tyrans reviennent et que les Autrichiens gouvernent la France? Non, hein? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire, cet animal-là? Cet homme, vous le connaissez? Un chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Je ne sais plus son nom. Il venait aux Tuileries. S'il est reconnu... Vous tremblez? Dans l'état de nerfs où je suis, Rosalie, c'est sans savoir ni pour qui ni pourquoi. Il y a un message roulé dans la fleur. J'ai des hommes et de l'argent. Attendez-moi dans la nuit du 2 au 3 septembre. 28 août 1793. La République doit faire face non seulement à la guerre aux frontières avec les Autrichiens, mais encore à la contre-révolution royaliste menée par les Vendéens. Marie-Antoinette incarne ces deux ennemis de la République. Le gouvernement n'a encore pris aucune décision la concernant. La nouvelle constitution de juin 93 a institué le peuple souverain par le suffrage universel et garanti à tous les citoyens la liberté, la sécurité et l'égalité devant la loi. Grande nouveauté, elle consacre également le devoir d'insurrection. C'est dans cet esprit que le 4 septembre 1793, les Parisiens se soulèvent. De Rougeville a écrit « Nuit du 2 au 3 septembre ». Il devait donc venir hier. Et rien. Peut-être a-t-il été arrêté? Si on allait m'accuser d'avoir organisé mon évasion. Ou alors il a pris peur. Pourquoi sommes-nous restés? En 89, quand ils ont pris la Bastille, c'était le moment. Le peuple, les députés, tout nous obéissait encore. Mais Louis disait « Fuir, c'est abdiquer ». Je l'ai convaincu trop tard. On nous surveillait. La fuite, Varennes. À force de désordre, ils regretteront. Ils rappelleront mon fils. Louis XVII est vivant. C'est de Rougeville. On vient me libérer. Rosalie, vous inquiétez pas pour les coups de fusil. Ce n'est rien. Avant, je servais chez Beaulieu, le célèbre comédien. Pensez si c'était drôle. Tandis qu'ici... Qu'est-ce qui se passe, Rosalie? C'est une révolte. Paris est encore debout. Ils viennent me chercher? Ils veulent ma tête? Mais non, ils ont faim. Il y en a qui ont accaparé les réserves de blé et spéculent sur les prix. Il n'y a plus un gramme de pain. Vous inquiétez pas. Des hommes en armes protègent la conciergerie. Faudrait pas un massacre comme l'an dernier, avec tous les aristocrates qu'on a ici? Bon, c'est pas tout, la politique. La blanchisseuse est passée et elle nous a donné... Veuve Capet, prisonnière 280, sur ordre du chef de la Sûreté Générale, prenez vos affaires et suivez-moi. Vous avez parlé, Gilbert? De l'œillet? J'ai un poste délicat, moi, et je veux le garder. Ce serait manquer à mon devoir de ne pas instruire les autorités des personnes suspectes qui vous parlent. Vous voulez nous compromettre, Rosalie et moi? Allez, en avant. C'est là-bas, tout dans le fond, au bout du couloir. Tu la changes de cellule, comme ça, sans crier gare? Je vais la mettre dans l'ancienne pharmacie. Voilà, c'est ici. Pas de danger qu'on vous envoie des fleurs, la fenêtre est tout là-haut. Ah, cette histoire de lié. Gilbert, on a fait tout un foin. Pourrait-elle s'échapper par là? Tiroir, armoire, rien. Ah. Sous le matelas. Rosalie, tu peux faire le lit. Je reviens. Ma position est si fâcheuse, ma fille. Je vais mettre des draps propres parce que, dites, c'est le chagrin et le manque d'exercice. Ça fait longtemps que vous saignez comme ça ? Des mois. Une hémorragie, ce que m'a dit le médecin que j'ai vu au temple. Rosalie, quand nous aurons le bonheur de voir tout ceci terminé, je vous récompenserai pour les services que vous m'avez rendus. La nuit tombe déjà. Cette cellule est plus humide que l'autre et se garde avec moi jour et nuit. À peine si un paravent m'en sépare, c'est ignoble. Ah, oublier, dormir. Mais quand je suis allongée dans le noir, je n'ose fermer les yeux de peur qu'on me tue. Dans quel état je suis ? Mon cou décharné, ma peau vieillie. Axel, peut-on être sûr qu'un amant ne vous oublie jamais ? Axel, un an déjà que les événements nous ont séparés, un siècle. Il nous paraissait alors possible encore d'arrêter les factieux par une intervention étrangère. Ma famille va me réclamer. Seigneur, qu'il fasse vite. Marie-Antoinette devient une monnaie d'échange. En août, le gouvernement a proposé à l'Autriche un échange contre 4 otages. Vienne n'a pas donné suite. À Bruxelles, Axel de Fersen, l'amant de Marie-Antoinette, a demandé aux aristocrates réfugiés en Belgique de galoper jusqu'à Paris et de l'enlever. Aucun n'a voulu le suivre. Marie-Antoinette voit les jours passer. Ce n'est que le 3 octobre, juste avant la fin de séance, à la Sauvette, que le député Billot-Varenne rappelle à la Convention que la veuve Capet n'est toujours pas jugée, qu'il faut organiser son procès. La proposition est adoptée à l'unanimité. Ce 12 octobre 1793, vers 6 heures du soir, Marie-Antoinette est extraite de sa cellule et conduite vers une salle du tribunal. Le juge Hermann, 34 ans, les manières élégantes de la noblesse de robe, va procéder aux interrogatoires en vue du procès. Juge Hermann, président de ce tribunal. Et voici Antoine Fouquier-Tinville, le procureur. Vous êtes accusé de haute trahison. Avez-vous eu avant la Révolution des rapports politiques avec l'empereur d'Autriche contraires aux intérêts de la France qui vous comblait de bien ? J'ai avec lui des rapports d'amitié. Il est mon frère. Non contente de dilapider les finances de la France, fruit des sueurs du peuple, pour vos plaisirs, vous lui avez fait passer des millions pour servir contre le peuple qui vous nourrissait. Mon frère n'en avait pas besoin. J'aimais trop mon époux pour dilapider l'argent de la France. Depuis la Révolution, vous n'avez cessé de manœuvrer chez les puissances étrangères contre la liberté. Depuis la Révolution, je me suis interdit toute correspondance avec l'extérieur. Vous regardez donc comme vos ennemis ceux qui font la guerre à la France. Je regarde comme mes ennemis ceux qui font du tort à mes enfants. Vous intéressez-vous au succès militaire de nos ennemis ? Je m'intéresse au succès de la nation de mon fils. Quelle est-elle ? Pouvez-vous en douter, monsieur Fouquier-Tinville ? N'est-il pas français ? Si tels sont vos sentiments, avez-vous usé de votre influence sur votre frère pour qu'il s'associe aux puissances étrangères afin d'anéantir la liberté des Français ? Ce ne sont pas les puissances étrangères qui ont attaqué la France. La guerre était le vœu de l'Assemblée législative. Est-ce vous qui avez appris à Louis Capet cet art de profonde dissimulation avec lequel il a trompé le bon peuple français ? Oui, le peuple a été trompé. Cruellement. Mais ce n'est pas par mon mari. Par qui a-t-il été trompé, selon vous ? Par ceux qui y avaient intérêt. Vous ne répondez pas à la question. Je ne connais pas leur nom. Vous avez été l'instigatrice principale de la trahison de Louis Capet. Est-ce par vos conseils qu'il a voulu fuir la France ? Mon époux n'a jamais fui la France. Quel était donc le but du voyage à Varennes ? De concilier tous les partis pour le bonheur de la France. Vous ne pouvez cependant vous dissimuler qu'à la cour il y avait des hommes dont les intérêts allaient à l'inverse de ceux du peuple. J'ai rempli mes devoirs en tout ce que j'ai fait. Comment vos devoirs s'arrangeaient-ils de la fuite jusqu'à Varennes ? Comment avez-vous pu manifester un désir aussi vif de rejoindre votre famille en guerre avec la nation française ? Ma famille, ce sont mes enfants. Vouliez-vous à quelque prix que ce fût remonter au trône sur les cadavres des patriotes ? Nous n'avions pas besoin de remonter sur le trône, nous y étions. La France s'est constituée en république par le vœu de 25 millions de Français. Vous déclarez donc que vous et votre fils existez comme de simples particuliers et désirez que la République repousse loin de son territoire tous ses ennemis ? Je n'ai d'autre réponse à faire que celle que j'ai déjà faite. Votre fils n'étant qu'un simple particulier, vous renoncez à tous les privilèges que donnait le vain titre de roi ? Si la France doit être heureuse sans roi, j'en partagerai avec elle le bonheur. Vous êtes donc bien aise qu'il n'y ait plus ni roi ni royauté. Que la France soit heureuse, c'est ce qu'il faut. Comment se peut-il que, voulant le bonheur du peuple, il ait été si malheureux, si constamment vexé et tyrannisé par les perfidies de la cour ? Il y a eu beaucoup de trahisons. Je ne suis pas à même de les dire. Pensez-vous que les rois soient nécessaires au bonheur du peuple ? Un individu ne peut pas décider cette chose-là. Pardonnez-moi, j'arrive de la campagne. Nous avons terminé, maître. Madame, voici maître Chauveau-Lagarde, votre avocat commis d'office. Quand aura lieu le procès ? Le 14. Octobre ? Mais voyons, nous sommes le 13, il est 3 heures du matin. Demain ? Dans une république, un fonctionnaire ne connaît que la loi voulue par le peuple souverain. Et sans en peser la rigueur ou l'injustice, son devoir est de l'appliquer. Madame, le tribunal nous a confié, à mon collègue Tronçon du Coudray et moi-même, la mission de vous défendre. Croyez bien que je ferai mon devoir en toute loyauté. Je suis accusée de haute trahison. Que pouvez-vous ? Une accusation grave. Et qu'ai-je fait qui m'accuse ? Vous auriez transmis des plans de déplacement des troupes françaises et des indications permettant aux Autrichiens de voir les failles de notre dispositif militaire. Y a-t-il des preuves dans le dossier ? Comment le savoir ? Je suis monté au greffe examiner les pièces du procès. Il faudrait des semaines pour les lire. Pourquoi ? Il y a des lettres de vous qui le prouvent. Est-ce qu'ils en ont ? Est-ce que je sais ? J'ai une journée pour assurer votre défense. Cette procédure est illégale. Terminé. Je dois reconduire la veuve Capet en cellule. Je vais lire le dossier. Prenez du repos. Toute la journée, maître Chauveau-Lagarde lit le dossier d'instruction. Le lendemain, 14 octobre 1793, à 7h du matin, les 12 jurés désignés par le comité de salut public, autant dire par l'accusation, entrent dans la salle du tribunal révolutionnaire. Parmi eux, des artisans, un charpentier, un limonadier, un perruquier, un menuisier, un chapelier, un imprimeur. Mais aussi le président du club des Jacobins et le médecin personnel de Robespierre. La salle est pleine. Fouquier-Tinville, ancien procureur du roi devenu procureur de la République, s'installe aux côtés du juge Hermann. Les jurés prêtent serment. Pendant ce temps, dans un couloir du palais, Marie-Antoinette, en robe de deuil, attend d'être appelée. Oui, reine à 19 ans, je n'ignore rien de la politique européenne. Ma famille attendait de moi que je me mêle des affaires de la France. Oui, j'ai fait rappeler Necker et organisé la fuite à Varennes. Oui, j'ai envoyé quelques millions à l'Autriche. C'était pour éviter de lui livrer 24 000 soldats français qu'elle réclamait. Oui, dès 1789, j'ai fait appel aux monarchies européennes pour abattre cette révolution. Oui, je veux que la République soit vaincue. Et depuis la déclaration de guerre, j'ai renseigné par des courriers secrets Vienne et Stockholm sur la position des armées françaises. Mais tout cela, je l'ai fait pour le bien de la France. Pour sauver la monarchie. Qui pourrait me le reprocher ? Nom, prénom, qualité, lieu de naissance. Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche. Veuve du roi de France. Née à Vienne. J'appelle le témoin Jean-Frédéric Latour-Dupin. En 1792, alors que la guerre contre les Autrichiens était déclarée, vous étiez ministre de la guerre de Louis Capet. L'accusé vous a-t-elle demandé l'état exact de l'armée française ? Le juge Hermann veut savoir de l'ex-ministre de Louis XVI si Marie-Antoinette a recueilli auprès de lui des renseignements secrets sur l'état de l'armée. Jean-Frédéric Latour-Dupin répond que les seuls documents qu'elle ait eus en sa possession étaient des comptes rendus de l'Assemblée nationale. Était-ce pour les faire passer à l'empereur d'Autriche ? Ce document était public. Quel motif vous faisait demander cet état ? L'Assemblée faisait des changements dans l'armée. Je désirais savoir quel régiment était supprimé. N'avez-vous pas sollicité le ministre pour qu'il fasse passer 6 millions au roi de Bohême et de Hongrie ? Non. Témoin suivant. Jacques-René Hébert, administrateur de la commune de Paris. Ils n'ont rien contre vous, tout se passe bien. Jacques-René Hébert entre. C'est une figure politique de premier plan, un radical. Il dirige le journal Le Père Duchesne, qui n'a cessé de réclamer la tête de la reine. La salle retient son souffle. Citoyen Hébert, vous avez effectué plusieurs missions à la prison du Temple. Oui, et je peux prouver qu'elle est coupable de conspiration. Un jour, j'ai trouvé plié dans un missel lui appartenant un dessin, une croix traversant un cœur. Vous savez bien, citoyen, à qui est ce blason ? C'est celui des royalistes insurgés. Comment est-il arrivé là ? Des lettres passées de l'extérieur. C'est le jeune Louis Capet qui le dit. Je l'ai interrogé. A-t-il cité des noms ? 13 personnes au moins. J'en arrive au plus grave. Le jeune Capet a été surpris par son garde dans des pratiques indécentes, funestes pour sa santé. On lui a demandé qui les lui avait apprises. Il a nommé sa mère et sa tante. En la prison du Temple, elle le faisait coucher entre elles deux et là se commettait la débauche la plus effrénée. C'est ce qu'il dit. L'avez-vous vu ? Je ne l'ai pas vu, mais tout le monde le certifiera. Veuve Capet, cet emblème royaliste n'est-il pas la preuve que vous éduquiez votre fils en héritier du trône ? Et ses courriers clandestins ? Avez-vous soutenu les contre-révolutionnaires pendant votre séjour au Temple ? Citoyen président, il n'y a aucun doute. Il y a eu un acte incestueux entre la mère et le fils. L'accusé doit répondre. Objection ! Cette accusation est une ineptie. La justice de la République est insultée par ces propos. Veuve Capet, vous ne voulez pas répondre ? Si je ne réponds pas, c'est que la nature se refuse de répondre à pareille question faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui se trouvent ici. Ah, oui. Cette accusation ne sera pas retenue. Silence ! N'avez-vous jamais abusé de votre influence pour tirer des bons sur le trésor public ? Jamais. Où avez-vous pris l'argent pour les travaux du Petit Trianon, où vous donniez des fêtes dont vous étiez la déesse ? C'était un fonds destiné à cet effet. Il fallait que ce fonds fût conséquent, car le Trianon a coûté des sommes énormes. Il est fort possible qu'il ait coûté des sommes immenses. Nous étions entraînés dans les dépenses, peu à peu. Je désire plus que quiconque que l'on sache ce qui s'est passé. Témoin suivant. En deux jours, 40 témoins se succèdent à la barre. Ils rapportent des propos peu vraisemblables, de vagues allégations, des faux témoignages à peine dissimulés. Le procès de Marie-Antoinette est une parodie de justice, un procès politique dont l'issue est scellée d'avance. Le lendemain, 15 octobre 1793, à 22h, les débats s'achèvent. Accusé, vous n'avez rien à ajouter pour votre défense ? Hier, j'ignorais ce que les témoins allaient déposer. Eh bien, personne n'a donné la moindre preuve contre moi. Je finis en observant que je n'étais que la femme de Louis XVI et me conformais à ses volontés. Qui s'occupe, citoyen, d'allumer les chandeliers ? La parole est à l'accusateur public. Il résulte de l'interrogatoire de la veuve Capet et de l'examen fait de toutes les pièces du dossier qu'avant même l'heureuse révolution qui donna au peuple français sa souveraineté, elle avait des rapports politiques avec l'empereur d'Autriche, contraires à l'intérêt de la France. Que, non contente d'avoir dilapidé les finances de la France, elle lui a fait passer des millions qui lui servent encore à soutenir la guerre contre la République. Que la veuve Capet n'a cessé un seul instant d'entretenir des correspondances nuisibles à la France avec les puissances étrangères et leur a fait parvenir nos plans de campagne. Que, dans les ténèbres de la nuit, La veuve Capet a tenu aux Tuileries des conciliabules avec toutes les factions liberticides des assemblées constituantes et législatives où l'on cherchait le moyen d'anéantir les droits de l'homme. Toute conspiration et complot tendant à troubler l'État par une guerre civile seront punis de mort. Selon l'article 1, section 1, deuxième partie du Code pénal, toute intelligence avec les ennemis de la France sera punie de mort. La parole est à la défense. Maître Chauveau-Lagarde. Citoyens jurés, la veuve Capet est accusée devant vous d'avoir conspiré au dehors et au dedans pour le malheur des Français depuis que la Révolution leur a rendu la liberté. Le tribunal nous a chargés de la défendre. À peine si j'ai eu le temps de jeter un œil sur le dossier. Quelle mission effrayante pour la conscience d'un homme. Mais nous sommes assurés de votre sens de la justice et de vos lumières. Je ne suis dans cette affaire embarrassé que d'une seule chose, c'est de ne trouver aucune preuve matérielle. En effet, citoyen juré, l'accusé aurait entretenu des intelligences contre-révolutionnaires. Où sont les témoins ? Dilapider les finances en envoyant à l'empereur des sommes incalculables ? Où sont les bons du trésor qui le prouvent ? Envoyer des plans, où sont ces lettres ? Rien. L'accusé a eu le malheur d'être reine. Je vous prie, citoyens, d'écarter tout préjugé. S'il est vrai que chez un républicain, le sentiment de la justice est mêlé de l'ardent amour de la liberté, alors vous exercerez sur votre conscience toute la plénitude de cette liberté. Faites sortir l'accusé. N'ai-je pas mis trop de dignité dans mes réponses ? Pourquoi cette question ? J'ai entendu une femme du peuple dire : vois-tu comme elle est fière ? Votre dignité vous honore. Pas le moindre début de preuve. Excusez-moi, on m'a remis une note, je dois la lire. Le comité de sûreté générale déclare que le défenseur de la veuve Capet sera arrêté et interrogé après le procès. Ça alors ? Je dois voir le président Herman. Je serai là pour le verdict. Je suis bien sensible à toutes vos peines, maître. Je n'ai pas peur. Quiconque mettrait la main sur mon cœur le verrait. Ils n'ont aucune preuve. Aucune lettre que j'ai écrite. Rien qui prouve que je suis coupable. Je serai rendue à l'Autriche contre rançon. Si j'ai pu sauver mes enfants. Dans la salle du tribunal, le président Herman rappelle aux jurés, avant qu'ils ne se retirent pour délibérer, que tous les peuples d'Europe attendent ce verdict qui se doit d'être exemplaire. Il souligne que l'égalité triomphe quand une reine est jugée comme n'importe quelle citoyenne. Tout à ses yeux accuse Marie-Antoinette de haute trahison. Herman affirme que des preuves l'accablant font partie des pièces saisies dans l'armoire de fer des Tuileries qui ont déjà fait condamner Louis XVI. Dans de nombreux courriers chiffrés, il affirme qu'elle a renseigné l'ambassadeur d'Autriche sur l'emplacement des troupes françaises, que depuis le début de la guerre, elle a communiqué aux armées ennemies tout ce qu'elle a pu apprendre afin de favoriser leur victoire. Mais à l'audience, l'accusation ne produit pas ces documents. À 1h du matin, les jurés rendent leur verdict. Faites entrer l'accusé. À la question « L'accusé est-elle coupable d'avoir épuisé le trésor national ?» La réponse est oui. D'avoir entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ? La réponse est oui. D'avoir tramé des conspirations contre la sûreté intérieure ? La réponse est oui. Conformément à la loi, le tribunal condamne Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort. Déclare que ses biens sont confisqués au profit de la République. ordonne que le présent jugement sera exécuté place de la Révolution et affiché dans toute la République. Accusé, avez-vous une requête à formuler ? Marie-Antoinette ne répond pas. À la lumière tremblante des chandeliers dispersés dans la salle, le public sort du tribunal. Marie-Antoinette est reconduite dans sa cellule. Il est 3 heures du matin, le 16 octobre 1793. Madame, vous n'avez rien pris ? Je n'ai besoin de rien, Rosalie. Ce qu'on a dit sur votre fils, des ignominies pareilles, c'est pas la République, non ? Vous ne voulez pas de bouillon ? Je n'ai pas vraiment faim. Ne pleurez pas, Rosalie. Bon, je le prends, ce bouillon. À 10h, Marie-Antoinette, qui a revêtu une longue robe de chambre blanche, est conduite dans la cour où l'attend une charrette. Une dernière fois, Marie-Antoinette, debout dans les cahots, longe les Tuileries. Sur la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, la foule attend et crie en voyant paraître la charrette. Les mains liées, Marie-Antoinette monte à l'échafaud. Il y a un grand silence. Un homme crie « Vive la République !» À l'Assemblée, on vient d'apprendre que des soldats de l'an 2 ont vaincu les Autrichiens à Vatigny. Une victoire décisive. Il est midi, la guillotine tombe. Avant de quitter la conciergerie, Marie-Antoinette avait demandé de quoi écrire une dernière lettre à Marie-Élisabeth, sœur de Louis XVI, restée prisonnière au Temple avec Marie-Thérèse et Louis, ses enfants. Une lettre qui n'arrivera jamais à sa destinatrice. 4h30 du matin. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée. Je vais rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté dans ces derniers moments. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Je n'existais que pour eux. Hélas! Qu'ils pensent tous deux à ce que les principes et l'exécution de son devoir sont la première base de la vie. Qu'ils sentent tous deux qu'ils ne seront vraiment heureux que par leur union. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père que je lui répète expressément. Qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. Je vous embrasse de tout cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Marie-Antoinette, le procès d'une reine, de Christine Spianti, avec Marie-Antoinette, Pauline Moulaine, le juge Hermann, Emmanuel Lemire, Rosalie, Morgane Réal, Gilbert, Antoine Herbulot, Fouquier-Tinville, Luc-Antoine Diquero, De Rougeville, Norbert Ferrer, Hébert, Christophe Van de Velde, Chauffaut-Lagarde, Renaud Bertin. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Cédric Chatelus et Amandine Grévoz. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Pascal Deux. Emmanuel de Varesquiel, Marie-Antoinette meurt donc guillotinée le 16 octobre 1793, elle n'a pas 38 ans. Est-ce que la République sort renforcée vraiment par la mort de Marie-Antoinette ? En réalité, les événements vont si vite que le procès n'a pas eu de véritable utilité politique, même s'il a été un procès politique. Et ce qui est intéressant de ce point de vue, est-ce que, par exemple, elle est innocente ou coupable ? Au fond, ce sont deux mondes et deux légitimités qui s'affrontent. Une légitimité monarchique d'un côté, la légitimité de la République de l'autre. Donc chacun est le traître de l'autre. Pour Marie-Antoinette, les révolutionnaires sont une bande de factieux et de comploteurs. Et pour la Révolution, c'est elle la factieuse, c'est elle qui complote. Ce sont deux mondes qui ne peuvent pas se parler. Ouais, ce sont deux mondes qui se parlent, mais qui ne s'entendent pas, et qui non seulement ne s'entendent pas, mais se haïssent profondément. La rupture est violente, et elle conduit inévitablement et logiquement à la peine de mort. Mais ce que vous dites aussi dans votre livre, Emmanuel de Varesquiel, c'est que la haine qu'on porte à Marie-Antoinette à cette époque est plus forte que celle qu'on a pu avoir pour Louis XVI, qui c'est a été guillotiné quelques mois plus tôt. C'est une construction mentale qui remonte aux années qui précèdent la Révolution française. Les libertés que Marie-Antoinette prend avec la cour, notamment le fait que le roi lui donne le petit Trianon, et ces fêtes de Trianon, ce monde de Trianon qui est le cercle de la reine, qui est un peu à part du monde de la cour, qui est un monde officiel et transparent dans un certain sens, suscite des fantasmes jusqu'aux saphismes et jusqu'aux amants multiples, plusieurs milliers selon les pamphlets que l'on prête à la reine. Et donc, des débordements sexuels, on va passer aux débordements politiques. Les deux sont liés dans l'esprit des révolutionnaires. Si Marie-Antoinette se comporte mal dans sa vie intime, dans la vie de son ménage, vis-à-vis du roi, qu'elle domine au fond, elle le domine aussi politiquement. Donc on lui prête tous les torts et elle devient logiquement le bouc émissaire idéal de la Révolution. Et puis c'est une femme. Et ça c'est intéressant parce que ce procès est le procès intenté à une femme par des hommes. Au fond, ce que la Révolution reproche à la monarchie, à ce qu'on appelle très vite l'Ancien Régime, c'est le pouvoir de domination des femmes. Il faut se souvenir de la première phrase dans les mémoires de Vigier Lebrun, qui était le peintre préféré de Marie-Antoinette. Une femme. Elle écrit à peu près ceci, les femmes dominaient alors, la Révolution les a détrônées. Et ce que reproche la Révolution aux femmes, c'est précisément cette inversion des valeurs, le fait qu'elles aient touché à tout, y compris à la politique, on remet les femmes. Il y a une dimension un peu misogyne dans la Révolution. Un on peu, remet oui. les femmes à leur place, c'est-à-dire à leurs enfants et à leur foyer. Et si ce procès est à multiples facettes, c'est le procès de la Révolution contre une reine, c'est le procès de la patrie contre une étrangère, puisqu'elle est née autrichienne, mais c'est aussi le procès des hommes contre une femme, et c'est la revanche des hommes. La Révolution, ce sont des assemblées d'hommes. Et tout n'oublions pas que quelques jours après le procès de Marie-Antoinette, les clubs féminins sont fermés par la Convention nationale. Donc tout ça a une signification profonde. Et évidemment, Marie-Antoinette n'est pas la seule femme à être décrétée d'accusation et condamnée à mort. Le procès de Charlotte Corday a lieu quelques semaines auparavant, et le procès de Olympe de Gouges aura lieu quelques semaines plus tard. Donc Marie-Antoinette inaugure dans un sens une série de procès de femmes. C'est la femme et c'est la mère dans la femme qu'on touche d'une manière extrêmement cruelle. On a du mal à comprendre quand même la haine, le sadisme même, on peut dire, des juges quand on l'accuse d'inceste avec son fils. Enfin, Hébert est d'une... Moi, je sais pas comment appeler ça, c'est d'une méchanceté, d'une cruauté terrible. C'est la part la plus violente et la plus sombre du procès de Marie-Antoinette, la part la plus terrible. Mais pourquoi est-ce que cette accusation d'inceste est intentée? Encore une fois, pour des raisons politiques. On ne sait pas quoi faire de celui qui est considéré comme le roi de France par les royalistes. Hein. Le roi petit est Louis mort, XVII, vive ouais. le roi, le mort ouais. saisit le vif. Et donc, le petit dauphin qui a 8 ans, enfermé au temple, confié à un ménage, les Simons, à un ménage de cordonnier, est considéré par ceux qui sont restés fidèles à la monarchie comme le roi régnant. Et que faire de cet enfant de 8 ans du point de vue de la Révolution? On va essayer au fond de l'avilir à travers sa mère. C'est-à-dire que pour moi, il y a une sorte de régicide moral à travers cette accusation d'inceste. C'est-à-dire que on avilit la mère à travers le fils et le fils à travers la mère. On ne peut pas faire plus. Au fond, finalement, le dauphin finira par mourir probablement de tuberculose. Mourir. C'est d'une manière assez atroce. Deux ans plus tard, en 1795. Mais il y a cette volonté, faute de mieux, si j'ose dire, cette volonté de condamner la mère à travers ces agissements, encore une fois, ces débordements sexuels, parce qu'il y a un fil conducteur entre les débordements sexuels que l'on prête à Marie-Antoinette avant la Révolution et ces débordements d'une mère vis-à-vis... Pour les révolutionnaires, il y a quelque chose de logique là-dedans. Oui, c'est un procès politique aussi, une parodie de justice, où il y a donc ces pauvres avocats qui sont là, qui sont commis d'office, qui font ce qu'ils peuvent. Oui, on fait un minimum pour, oui, si y a quand même dire, une pour sauver les apparences. Justice. Mais les deux avocats qui sont Tronson du Coudray et Chauveau-Lagarde ont été décrétés, d'abord ont été désignés la veille du procès, donc ils n'ont pas eu le temps de préparer leur plaidoirie, même si d'après les journaux révolutionnaires, on pense qu'ils ont plaidé de façon avec beaucoup d'intelligence. De courage aussi. Et de courage, mais il faut savoir que les deux avocats sont arrêtés parce qu'on suppose qu'ils ont reçu des confidences de la part de la coupable. Et donc, on veut les interroger. Ils seront finalement relâchés. L'un va survivre à la Révolution, ses chevaux la gardent. Tronson du Coudray finira par mourir de ce qu'on appelait la guillotine sèche, c'est-à-dire de sa déportation en Guyane, où il mourra de fièvre et d'épidémie un peu plus tard, en 1795. Une chose assez étonnante, c'est le courage aussi de Marie-Antoinette, sa maîtrise politique. On a toujours l'image d'elle, d'une reine frivole, la jeune femme qui joue à la fermière à Versailles. Et là, on la découvre différente. Elle affronte pour la première fois ses devoirs de reine. Elle est une sorte de passionnariat du droit divin et de l'absolutisme monarchique. Passionnariat tout de même qui a, qui a un contrôle. Oui, avec une présence d'esprit extraordinaire dans les réponses qu'elle apporte aux questions qui lui sont posées. Mais essentiellement, et elle le fait pas seulement vis-à-vis de la Révolution, mais vis-à-vis de ses beaux-frères. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, son beau-frère, le futur Louis XVIII, se proclame régent du royaume. Elle défend les droits de son fils, en reine et en mère, en régente et en mère. Et ça, c'est essentiel. Et au fond, ce procès est plus intéressant de ce point de vue-là et plus tranché, parce qu'elle est beaucoup plus cohérente que ne l'était Louis XVI à son propre procès devant la Convention en janvier 1792. Louis XVI ne sait pas très bien s'il est encore un roi de droit divin à la façon de l'Ancien Régime ou le droit de la Constitution de 1791. Alors que Marie-Antoinette n'a jamais hésité de ce point de vue-là. Elle est l'héritière de l'absolutisme monarchique d'avant 89. Merci beaucoup Emmanuel de Varesquiel. C'est moi qui vous remercie. Votre livre « Juger la reine », passionnant, est édité chez Talendier. À lire également Marie-Antoinette dans les pas d'une reine, un ouvrage collectif sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, édité chez Perrin. Dans le tumulte de la Révolution française. Poursuivez l'écoute de la série avec l'épisode 9, 1794, la chute de Danton.